Nous avons vu que donc le désir devait être compris non pas simplement comme besoin ou besoin un peu complexe, c'est-à-dire besoin de quelque chose. Le désir, il résultait d'une forme de manque d'être, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que par les objets que je désire, je vais pouvoir me compléter, définir qui je suis, me déterminer moi-même. Et en fait, au fond, le désir résulte d'une sorte d'insatisfaction vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre propre être. Mais et ce qu'on a vu aussi, c'était cette idée que le désir, il se comprenait dans le rapport à autrui. Donc le désir, ça ne peut pas être compris comme un simple rapport entre un sujet désirant et un objet désiré. Le désir que le sujet éprouve, pour n'importe quel objet, il est en fait médiatisé par le rapport du sujet avec d'autres sujets. Et ça, c'est ce que souligne notamment René Girard lorsqu'il défend l'idée que le désir est triangulaire. On désire toujours quelque chose par rapport à autrui, donc c'est un rapport entre moi, autrui et l'objet, voilà, ça forme un triangle. Pourquoi? Ben parce que à chaque fois, je désire l'objet parce que je veux ressembler à l'autre, parce que je me compare à l'autre, parce que je le jalouse, parce que je veux lui plaire, etc. Donc, il y a des multiples rapports, mais à chaque fois, c'est dans ce rapport à l'autre. Et ce que nous dit Girard, c'est que ce qui est premier dans le désir, c'est pas le rapport à l'objet, c'est le rapport aux autres êtres humains. Et avec cette idée que le désir des uns va s'aligner sur le désir des autres. Donc en fait, c'est notre rapport à autrui qui détermine nos désirs. Et on peut penser à un fait très, très simple, hein, c'est sur ce principe-là que repose la publicité. Les publicités, elles mettent en scène notamment voilà, des célébrités, des personnes qui sont belles, riches, célèbres, et on les montre. On montre ces personnes, voilà, que ce soit sur les affiches où on voit dans la rue ou dans les publicités à la télévision, sur Internet, on voit ces personnes, belles, riches, célèbres, qui utilisent des biens, on les associe à ces biens. Donc il s'agit de provoquer chez le spectateur une association entre la célébrité et le bien, et de s'appuyer sur l'identification du spectateur à la célébrité. Par exemple, on a Charlize Theron avec son parfum, ou les chaussures de Kylian Mbappé, en fait, bon. On nous dit, bon, il faut que vous désiriez l'objet, mais au fond, ce qui est premier, c'est pas le désir d'objet, c'est le désir de cette personne. C'est le désir de ressembler à cette personne, le désir d'atteindre le même stade que cette personne. Et donc finalement, on voit bien que la publicité, elle repose sur ce qu'a montré Girard, c'était ce caractère mimétique du désir. Le fait que le sujet humain imite le désir des autres sujets auxquels il s'identifie. Mais alors, ce que nous dit Girard, c'est que cette imitation, elle est en même temps source de conflit. Il nous dit, en fond, il y a une espèce de violence fondamentale dans les rapports humains, et cette violence, elle vient justement de ce caractère mimétique du désir. Pourquoi? Ben parce que, bon, je vois autrui qui désire quelque chose, donc je me mets à désirer la même chose, mais ça crée une rivalité. Hein, ça crée une rivalité entre les sujets. Parce que comme ils se mettent à désirer la même chose, ils entrent en compétition. Et Girard insiste bien sur il inverse le rapport qu'on pourrait avoir d'habitude. On pourrait se dire, bah, c'est juste je désire tel objet, autrui désire tel objet, et donc là nous entrons en rivalité. Non, c'est pas comme ça que ça arrive. C'est pas l'objet qui crée la rivalité, c'est le désir qui crée la rivalité. C'est parce que mon désir imite le désir d'autrui que nous entrons en compétition. Et donc la rivalité n'est pas due à la rareté des objets, mais au rapport entre les sujets, dans lequel chacun veut affirmer, d'une certaine façon, sa supériorité vis-à-vis des autres sujets. Alors pour illustrer cela, on pourrait s'appuyer aussi sur les travaux du sociologue américain Thorsten Veblen, qui écrivait dans les années 20, et en fait, il comparait, dans son livre qui s'appelle La théorie de la classe de loisirs, il comparait en fait la société américaine des années 20, donc c'est cette période d'enrichissement, on appelait ça la vingtaine rugissante, hein, parce que une grande période d'enrichissement, il compare cette société américaine aux sociétés tribales. Ben, pourquoi? Ben, la question c'est ben, comment expliquer que certains individus accumulent des fortunes immenses. Hein, voilà, on peut penser à une œuvre qui décrit cette période des années 20, c'est The Great Gatsby, ou de Francis Scott Fitzgerald, où on a ces personnes qui font des fêtes dans des maisons immenses, gigantesques. Donc on a ces personnes qui font des dépenses démesurées, complètement déconnectées de leurs besoins ordinaires. Ben en fait, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans la société tribale, où le chef de clan va faire un grand banquet, où en fait il va brûler de la nourriture, toute la nourriture accumulée par la tribu, au lieu de la donner, de la partager avec tout le monde, il va la brûler. Alors pour dire au dieu, hein, on dit voilà, c'est un sacrifice fait au dieu. Mais en fait, c'est aussi une manière pour montrer que le chef a de montrer sa puissance. Et donc, ce que nous dit Veblen, c'est que la richesse, elle n'a pas pour but de satisfaire des besoins, elle sert à réaliser des dépenses ostentatoires, hein, c'est-à-dire des actes de consommation inutiles qui manifestent la puissance et la supériorité de l'individu sur les autres. Voilà, le milliardaire, il se comporte comme le chef de clan barbare qui fait brûler la nourriture en l'honneur des dieux, au vu de tous, afin de montrer sa puissance. Donc ça, c'est une manière de, bien sûr, c'est une manière d'affirmer sa puissance. Et on voit bien que le désir, là, le désir d'acquérir de la richesse, le désir d'acquérir de la puissance, c'est pas tant pour se faire plaisir. Bon, bien sûr, ça va peut-être jouer, mais c'est pas cette question-là qui est fondamentale. Si je cherche à avoir une énorme maison, si je veux avoir une collection de voitures, c'est pas parce que je veux les objets en eux-mêmes. C'est dans mon rapport aux autres. Et c'est le rapport entre les individus qui stimule ce désir de bien démesuré. Donc, c'est bien comme nous le dit Girard, si je reviens à Girard, bah ce désir mimétique, le fait que voilà, on a certains individus qui vont acquérir des biens, les autres vont les imiter et vont sans doute peut-être être insatisfaits. Voilà, si je vois autrui qu'il a cette immense quantité de biens, moi je vais me mettre à désirer la même chose par imitation. Mais je ne l'aurai pas, bon, je vais manquer de ces biens, donc je vais me sentir insatisfait vis-à-vis d'autrui, eh bien ça va être générateur de violence, ça va être générateur entre les êtres humains. Et pour Girard, cette violence qui résulte de la rivalité mimétique, du désir mimétique, cette violence dans les sociétés qui naît spontanément du désir, eh bien elle ne peut être apaisée que par le sacrifice d'un bouc émissaire. Voilà. Le bouc émissaire, ça va être un individu, un certain sujet, qui dans la rivalité mimétique va être désigné, et on va le sacrifier afin d'apaiser les tensions et de réconcilier les sujets rivaux, afin de pouvoir vivre ensemble. Hein, le fait qu'on va sacrifier quelqu'un, afin d'instaurer un ordre qui va permettre d'établir un certain nombre d'interdits, des interdits qui vont viser à contenir la violence mimétique qui dérive du sujet humain. Et en fait, ça, Girard identifie ce schéma. Hein, voilà, on a un désir mimétique qui provoque de la violence. Cette violence, il faut y mettre fin. Donc, on sacrifie un bouc émissaire et à partir de ça, on instaure un ordre social. Et bien, en fait, Girard retrouve ce schéma dans nombreux mythes et dans nombreux récits religieux fondateurs. Voilà, par exemple, on a Romulus et Rémus, hein, donc Romulus c'est le fondateur de Rome, et bien Romulus sacrifie son frère Rémus, donc oui, ils étaient en compétition, ils avaient le même désir, c'est tous les deux veulent créer une cité, ils sont en rivalité, ben, la solution c'est que Romulus tue son frère Rémus, et c'est ça qui lui permet de fonder Rome. Voilà, Prométhée, dans le mythe grec cette fois-ci, Prométhée est sacrifié pour apporter la connaissance aux hommes. Et on retrouve un peu des mythes qui peuvent ressembler, par exemple le sacrifice d'Odin dans la mythologie scandinave, le sacrifice de Krishna dans la mythologie hindoue, et encore un autre sacrifice, c'est Jésus-Christ se sacrifiant pour laver l'humanité de ses péchés. Voilà, c'est le sacrifice ultime, Jésus meurt pour laver l'humanité, entre guillemets, et faire naître un nouvel ordre. Donc alors là, ce qu'on peut voir, c'est que Girard, il reprend un petit peu l'interprétation freudienne de l'origine de la culture. Selon Freud, la société, elle est née d'un crime originaire, d'une violence originaire. Il nous dit à la base de toute société, il y a une violence. Donc, ce qu'il a exprimé par cette idée d'un sacrifice du père primitif par ses fils. Voilà, il imagine une tribu primitive dans laquelle les fils ont sacrifié leur père parce qu'ils étaient jaloux de leur père. Là, ils avaient un désir. Leur désir était insatisfait parce que c'est le père qui contrôlait tout, qui contrôlait les biens, les femmes. Et donc les filles sacrifient leur père. Et ce crime qui a pour cause les pulsions des hommes, qui les pousse à la violence, eh bien, ces pulsions, elles doivent être contenues. Donc, une fois ce sacrifice effectué, les fils qui ont tué leur père, ils se rendent compte qu'ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables d'avoir commis ce crime, et donc ils décident d'instaurer des règles, des interdits, afin de contrôler leurs désirs. Eh bien, Girard nous dit, voilà, c'est un petit peu la même chose. Enfin, il généralise ce schéma, enfin, il reprend un peu ce schéma. Il nous dit, voilà, il y a une violence fondamentale dans les rapports humains. Cette violence, elle naît du désir, parce que le désir est mimétique, j'imite le désir des autres, et donc, comme les désirs s'imitent, ça crée de la rivalité, et donc il faut contenir cette rivalité. Et on peut déduire de ces analyses ce qui constitue un petit peu le paradoxe du désir humain. Donc d'un côté, le désir, il est nourri par la vie sociale. Ce sont nos rapports avec nos semblables qui nourrissent nos désirs. C'est déjà ce que nous disait Rousseau, que l'homme à l'état de nature, il vit solitaire, il se soucie de lui-même, il ne se préoccupe pas vraiment des autres. Et donc c'est le fait de vivre avec les autres, de se comparer aux autres qui va nourrir son désir. Donc comme nous le dit Girard, mon désir, il naît de l'imitation de l'autre. Le désir ne naît pas du rapport à l'objet, mais du rapport aux autres sujets. Donc vivre avec les autres, ça nourrit les désirs. Mais d'un autre côté, ces mêmes désirs peuvent devenir menaçants pour la vie sociale, car ils sont potentiellement cause de violence. Ils nourrissent en nous une tendance antisociale, parce que comme le fait de désirer les mêmes objets nous fait rentrer en compétition avec les autres, eh bien ça peut provoquer des tensions, ça peut provoquer des violences. Et c'est pourquoi on a besoin d'instaurer un contrôle de nos désirs, et aussi peut-être aussi un contrôle des biens désirés. On a besoin de se donner des règles de répartition des biens désirés afin d'empêcher cette violence qui naît spontanément du désir.